Chui Ha-tsung, ancien prisonnier non converti à long terme et patriote inflexible, partisan de la réunification, a 90 ans. À cette occasion, le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait fêter le 21 mars son anniversaire. Rappelons que Chui Ha-tsung s'est enrôlé dans l'armée populaire à l'époque de la dernière guerre de libération de la patrie pour combattre les agresseurs en faveur de la victoire dans la guerre, et plus tard, il a milité héroïquement pour la réunification nationale. Arrêté par les ennemis, il a été emprisonné pendant 36 ans, mais il est resté fidèle à la foi révolutionnaire jusqu'à la fin.